Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il y eut des rapports étranges et contradictoires entre le cinéma et la résistance française, et ce, dès l'immédiate après-guerre. Peut-on dire qu'il y eut de nombreux films français sur la résistance française? Pas tant que cela. Il y eut beaucoup plus, semble-t-il, de timidité qu'en Italie à la même époque. Alors quelle est la figure du résistant? Existe-t-il des visions folkloriques, franchouillardes de la résistance? Mais il y eut aussi des films romancés, des films documentaires. En 1994, les Mardis du cinéma se penchaient sur ce sujet pour cinéphiles, sociologues et historiens. Frédéric remercie son ami Gaston. Frédéric remercie son ami Gaston. Le vieillard a mangé la main. Il m'a perdu sous les bords de la Manche. La route est longue pour Gibraltar. Les Mardis du cinéma. La résistance française au cinéma. Avec Michel Cazenave, Pierre-Jean Collat, Dominique Rabourdin, Jacques Siclier. Jacques Siclier, lorsqu'on réfléchit à la représentation de la résistance à l'intérieur du cinéma français, on est un petit peu étonné parce que par rapport à quelque chose qui occupe tellement l'imaginaire national, on a l'impression finalement que la résistance a donné lieu à quelques grands films, mais n'a pas, je dirais, spécialement inspiré beaucoup de nos réalisateurs. C'est parfaitement exact, mais il faut dire une chose, c'est qu'au moment où la résistance a commencé de se faire en France occupée, évidemment, on ne pouvait pas tourner de film là-dessus. Donc c'est à partir de 1945 qu'on a commencé à faire des films avec cet état d'esprit qui était celui que vous connaissez de l'après-guerre, à savoir, il n'y a eu en France qu'une poignée de collaborateurs et la plupart des gens ont résisté. Donc à partir de là, on est allé vers un cinéma parlant de la résistance, mais assez manichéen, et qui n'était peut-être pas au premier rang des préoccupations du public. Maintenant, le seul, enfin le, pour moi le premier, le très grand, ça a été évidemment la bataille du rail de René Clément, qui reconstitue avec de véritables cheminots ou des acteurs pas connus, la lutte des cheminots pour faire dérailler les trains, en particulier un convoi allemand très important au moment du débarquement. Donc ça a été... C'est l'exemple parfait de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là dans un état d'esprit qui était un petit peu documentaire et qui, en même temps... rendait hommage à une catégorie de gens qui avaient été dans l'ombre, évidemment, pendant des années. Camarades, ich muss feststellen, dass immer wieder Sabotageakte begangen werden. Dies muss aufhören. Wir kämpfen gemeinsam, um dasselbe Ziel zu erreichen. Wir arbeiten zusammen für die Weltzivilisation. Wir reichen euch die Hand. Wenn ihr aber uns nicht gehorcht, werden wir euch dazu zwingen. Fini, Kameraden, il y a trop de sabotage. Fini comme ça. Nous travaillons tous pour la même cause. Lauter! Il dit comme ça, nous vous tendons la main, mais si vous nous tendez le poing, on vous cassera la gueule. Conclusion. 10 trains allemands devaient partir ce soir-là. Dans l'immédiate après-guerre, il y a eu une unanimité autour de la résistance, une presque unanimité qui était trop belle pour être tout à fait vraie, bien entendu. C'est l'époque où on tournait la bataille du rail dans une espèce d'unanimisme lyrique, et ça reste peut-être le plus beau film sur le sujet qui ait jamais été fait en France, en partant d'un projet de documentaire qui s'est ensuite légèrement gauchi en fiction, mais très légèrement, sur un magnifique scénario de Colette Audry, une mise en scène de René Clément, ça tenait vraiment le coup. Et ça tient toujours le coup. À côté de ça, il y a eu toutes ces fariboles résistentialistes, Arsène Lupinade résistentialiste, dont une demi-douzaine d'exemplaires au moins encombrent encore les cinémathèques. Bon, il faut qu'elles y restent, hein, il faut qu'elles y restent. Mais dont l'intérêt historique est nul. Ou plutôt, ça n'est intéressant que pour un sociologue qui essaierait de chasser le refoulé du cinéma français. Ça, vous avez eu des films très romancés, et il y en a un qui n'est pas mal du tout, qui s'appelait au départ, c'est Opération Jéricho maintenant le dernier titre, qui s'appelait Jéricho, qui est l'histoire de la libération d'otages français enfermés dans la prison d'Amiens, dont les murs sont tombés, d'où l'allusion à Jéricho, sous l'effet d'un bombardement anglais, mais c'était un film avec des acteurs, avec l'échantillonnage de français habituel à ce genre de film, c'est-à-dire un ou deux collabos, un résistant, une jeune femme sublime, et puis divergent, attentiste. Voilà. Vous avez également un film qui a été, alors là, très populaire, mais qui répondait vraiment, j'oserais dire, à l'idéologie gaulliste d'après la Libération. C'est Le Père Tranquille de Noël Noël, supervisé d'ailleurs par René Clément, mais enfin c'est pas un film de René Clément, c'est bon, dans lequel on a monsieur Noël Noël jouant le rôle d'un monsieur, une sorte de monsieur Durand, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin un petit bonhomme pantouflard dans une ville des Charentes qui en fait est un grand résistant, on l'apprend à la fin. Monsieur Martin, je vous ai fait venir pour... vous ne parlez pas allemand, je crois. Non, je vous ai dit, je regrette d'ailleurs. Je vous ai fait venir pour vous demander si vous connaissez ce Jourdan qui a disparu. Je connais M. Jourdan, en effet, mais je ne l'avais pas vu depuis quelque temps d'ailleurs, mais je ne savais pas qu'il avait disparu. Vous le connaissiez bien? Non, mais j'avais eu le temps de le juger, c'était un salaud. Qu'entendez-vous par là? C'est un beau salaud, même. Expliquez-vous. C'était un gaulliste. Non. Comment non? Non. À vous, je peux le confier, sachant vos qualités de bon français. C'était un de nos agents. C'était... Entrez. Pardon. Pardon. Kostenlos, vous permettez un instant. Oui. Après les 4 ans de guerre, le public français avait envie de voir un cinéma en partie de divertissement. C'est à peu près à ce moment-là qu'a commencé ce qu'on appelle la tradition de la qualité, puisque le grand événement en 1946, ça a été la symphonie pastorale d'après Gide, Jean Delannoy, Michel Morgan revenu des États-Unis. Mais on est tout de même très étonné, ça c'est vrai, de voir qu'à la même époque, l'Italie, qui s'était libéré du fascisme et où il y avait eu des mouvements de résistance très, très importants, l'Italie consacrait pratiquement toute sa production, enfin l'essentiel de sa production, aux années de guerre, aux années du fascisme, à la résistance, à la lutte contre les Allemands. La France est restée assez timide, disons, mais je pense qu'il y a eu derrière tout ça aussi des raisons politiques. À partir de 1947, bon là c'est plus chasser le refoulé, c'est prendre acte d'un formidable refoulé qui s'explique assez facilement par des raisons politiques. C'est que la 4e République chemine pendant tout le temps de son existence un peu comme un bateau à demi-dématé entre deux énormes écueils, Un écueil, c'est le gaullisme, l'autre écueil, c'est le communisme, et l'un et l'autre puisent leur légitimité dans ces années-là, précisément dans la résistance. De Gaulle, premier résistant de France, PC, parti des fusillés, et pour ne pas avoir à prendre une position vis-à-vis de ce caribe, de ce style-là, si on veut, on a un cinéma qui avance ailleurs, qui évacue complètement, mais alors complètement vraiment la fiction résistentialiste, pour employer un adjectif copié de celui que les Italiens utilisent pour parler du même sujet. Comment va notre Führer? Il est fané comme moi et il ne vous fait pas ses amitiés. Allez, je pense, au travail. Oh. Laissez-moi, je peux très bien faire tout seul. Oh. Vous avez fait des progrès éblouissants, Rex Minister. Rééducation intensive, volonté acharnée, et voilà les résultats. Oh. Vous ne préférez pas la grande porte, Rex Minister? L'escalier est moins raide. Aucune importance, château, l'exercice. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, c'est du champagne. Il est fabriqué à Reims. Voilà. Vous ne m'avez pas préparé une fête, au moins. Oh, non? Ya, vous n'êtes pas si stupide que ce guérin. Il a tenté de m'amatouer la semaine dernière avec une nouba grotesque. Il se souvient de mes remontrances. Seule l'amitié que lui porte notre Führer l'a sauvé. On a l'impression qu'au cinéma, la résistance est devenue très vite quelque chose de complètement caricatural et que les films sur la résistance qui ont eu le plus de succès, finalement, ce sont les comédies bien franchouillardes où l'on tourne en dérision ce qui est résistance et ce qui concerne les Allemands. C'est, pour plaisanter un peu, c'est la série des 7e compagnies où c'est même Papy fait de la résistance. Ce sont des films qui ont été beaucoup plus populaires, qui ont eu beaucoup plus de succès que les grands films officiels comme L'Armée des Ombres. En plus, il y a une chose qui me frappe dans ce cinéma de la résistance, c'est qu'il n'y a eu aucun film fait sur un personnage comme Jean Moulin, par exemple. Il n'y a eu jamais, enfin je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas de film qui reprenne vraiment le personnage de Jean Moulin. Oui, mais d'après vous, Dominique Rabaudin, d'où vient cette sorte d'incapacité, je dirais, du cinéma français à se placer dans ce qu'on pourrait appeler, disons, une position à peu près juste vis-à-vis de la résistance, ni dans le carton-pâte, ni dans la dérision? Les films les plus réussis sont des films sur l'occupation. Je veux dire, c'est la traversée de Paris, qui est un film formidable, comme par hasard écrit par un personnage qui n'a pas du tout fait de résistance, c'est Marcel Aimé. Il y a un malaise à parler du cinéma de la résistance parce que, à un moment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas en termes de cinéma, en termes d'écriture cinématographique, à l'exception peut-être du Melville, qui a un parti pris stylistique bien précis. Les autres fonctionnent pas, ou alors sont extrêmement mélodramatiques, mal joués, surjoués. C'est bizarre. Justement, le fait qu'on consacre aussi peu de films à la résistance, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas le signe que on disait, où on laissait entendre que tout le monde avait été résistant, et je dirais inconsciemment au fond de soi, on savait bien que ce n'était pas la vérité. Ah ben oui, mais ça c'est sûr. Il a fallu attendre la fin des années 50, pour que Autant Lara, en adaptant le roman de Marcel Aimé, La traversée de Paris, nous montre tout d'un coup quelque chose qui n'était pas du tout ce qui avait été montré après la guerre, c'est-à-dire pas seulement le marché noir, mais la lâcheté des gens, la manière dont finalement les gens s'accommodaient du régime, traficotaient, etc. Et puis, en réalité, le grand coup qui a été donné, c'est au début des années 70, avec le film de Marcel Offus, Le Chagrin et la Pitié, qui a remis en question toute cette imagerie cinématographique qui était, à mon avis, une imagerie officielle. Vous savez très bien qu'on parlait de volonté de réconciliation nationale. Donc, effectivement, il fallait que à la fois pour le public français, pour la politique intérieure et pour l'exportation des films à l'étranger, quand ça pouvait se faire, il fallait que la France ait été, disons, en majorité résistante. Ça, je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin. Mais est-ce que ce n'est pas dans cet état d'esprit finalement, si on prend les films consacrés à la résistance en France, on s'aperçoit que les meilleurs films, je dirais, ont été faits, c'est une opinion que je me permets d'avancer, par René Clément et par Jean-Pierre Melville. C'est-à-dire par deux personnes qui, ouvertement, se réclamaient de la tradition ou du courant gaulliste. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez révélateur, c'est-à-dire de gens qui, eux, se réclamaient d'un courant ou d'un parti qui s'était effectivement battu, et qui donc, se sentaient, je dirais, libres de traiter ce sujet. C'est exact. Alors, Clément, donc, il y a eu la bataille du Rail, il y a eu également un film romancé qui s'appelait Les Maudits, qui est d'ailleurs un film très intéressant, même si le scénario est un petit peu... peu trop romanesque, qui était la fuite d'anciens nazis allemands et de collaborateurs français à bord d'un sous-marin qui s'en allait vers l'Amérique du Sud. Donc ça a été un sujet qui a été traité. Et puis Melville est venu, mais pas tout de suite, avec Le silence de la mer, c'est-à-dire l'adaptation du roman de Vercors. Et il est revenu des années plus tard sur le sujet. C'est vrai que c'était dans le droit fil du gaullisme. Il n'y a pas d'exemple, si, il y en a un, de films qui auraient été montés et réalisés par des gens proches du Parti communiste. Il y en a un, c'est Au cœur de l'orage de Jean-Paul Le Chanois, qui avait été tourné en partie sur place au Vercors, dans les maquis. Bon, au moment de la destruction du maquis du Vercors par les Allemands, les bobines qui avaient été tournées, parce que Le Chanois avait rejoint la résistance, donc il faisait du cinéma sur place, si je puis dire, documentaire. Il avait caché ses bobines, on les a retrouvées par la suite, et bon, on a rajouté des images, et on a fait un film qui s'est appelé Au cœur de l'orage, mais qui est sorti bien après les événements, puisqu'il est sorti en 49. Ou 48, enfin en tout cas, tout de suite après. Mais sinon, vous aviez... Dans les journaux de l'époque, on voit très bien comment, par exemple, un cinéaste qui était communiste comme Louis Daquin n'a jamais réussi, parce qu'il y avait une censure. Bon, on était encore soumis, je crois, à la censure militaire, et de toute façon, il fallait des autorisations. Il n'a pas pu tourner un seul film sur des sujets de résistance. Quand il a voulu le faire, qu'est-ce qu'il a pris ? Une pièce de Victorien Sardou, qui s'appelait « Patrie », qui se passait dans les Flandres au temps de l'occupation espagnole et qui est devenu un film métaphorique, mais sans grand intérêt. Et chaque fois qu'il avançait un sujet qui pouvait avoir rapport avec la résistance, c'est-à-dire le côté là carrément communiste, c'est-à-dire les FTPF et tout ça, eh bien, ben non, il n'y arrivait pas. C'est évident qu'il ne devait y avoir en France, dans un cinéma qui se réorganisait, que... Une vision officielle de la résistance. Ici le porte-parole de la France combattante. Pour la première fois, je vous parle du sol français. Ce matin, à l'aube, nous avons débarqué sur les côtes normandes avec les commandos alliés. Du premier morceau libéré de la patrie, je vous dis, là, humiliation, colère, souffrance, sacrifice, plus rien n'aura été, plus rien ne sera vain, la France... présente au combat, sera présente à la victoire. La Tribune de Paris, juin 46. Mais alors, il y a un exemple que je crois qu'on pourrait citer. Il y a les « Pourquoi nous combattons » qu'on considère assez généralement comme des chefs-d'œuvre et qui ne sont que des documents pris aux sources de l'actualité la plus brûlante. Mais là, il y avait une erreur dans « Fils de France » qu'il n'y a pas dans « Pourquoi nous combattons ». C'est René Clément qui parle. « Pourquoi nous combattons » est un film composé uniquement d'archives, alors que « Fils de France » a eu la maladresse, si je puis dire, de coller ensemble à la fois les documents les plus irréfutablement authentiques et la fausse réalité. C'est un aspect romancé, peut-être. Cette actualité romancée ne pourra jamais atteindre, et je l'ai évité dans Bataille du Rail, ne pourra jamais atteindre la vérité du document authentique. Et c'est donc une erreur de vouloir en mettre. Je n'en ai pas mis dans Bataille du Rail. Ici la gare de Saint-André. Le 1504 vient de passer à 21h13. Ça y est, ça continue. Si on prend ce qui est peut-être le plus grand film sur la résistance intérieure, s'entend, en France, c'est-à-dire la bataille du rail, finalement, c'est quand même assez étonnant, il me semble, de voir à quel point c'est un film qui, je dirais, joue franchement, à certains égards, le jeu du documentaire, sans ce qu'on appelle une action ou un scénario typé, et en même temps, je dirais, parcouru d'un grand souffle épique. Et ça, c'est quand même assez curieux de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut être aussi près de la réalité et en même temps de sentir comme ça la légende et l'épopée passée. Bon, ça, c'est le talent de René Clément. Moi, c'est un réalisateur que j'aime énormément, dont j'ai suivi toute la carrière avec passion. Il est devenu par la suite grand réalisateur international. Il a été, bon, mis de côté par la nouvelle vague, ce qui ne l'a pas empêché de tourner. N'oubliez pas qu'après, il a fait, bien des années plus tard, c'est lui qui a adapté le livre de La Pierre et Collins, Paris brûle-t-il, avec effectivement des acteurs jouant des personnages, on lui a reproché, ça c'était un film à l'américaine, mais qui était un film extrêmement efficace. Clément avait, outre son regard, parce qu'il a commencé par des documentaires pendant l'occupation, il a travaillé sur... Il y avait d'ailleurs un film qui s'appelait « Ceux du rail » qui était un film sur les chemins de fer. Il a commencé avec des documentaires. Il avait une formation d'architecte dont il s'est toujours réclamé. Et puis, quand il a eu ce sujet de la bataille du rail, Clément avait un tempérament porté effectivement vers un certain style épique. Et c'est pour ça que c'est réussi. À quoi ça ressemble, un train blindé ? Un train de marchandises. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Des wagons à bestiaux. Alors, dedans, ils ont mis des traverses de rails. Puis, il y a des ouvriers du STO et des sacs de sable pour se protéger. Et des mitrailleuses anti-chars. Forcément, ils ont tout ce qu'il faut pour se défendre. Pourquoi ? T'as peur ? Oh, c'est pas ça. Tu voudrais bien te rentrer, hein ? À vous. Non, j'aurais déjà été dans la bagarre. J'ai tellement envie de voir les frisés. Et moi, j'aurais voir. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Oui. Train blindé. Suivi, convoi, S-1504. Ça y est, il a passé la gare de Brisson. René Clément. Bien, je crois que dans Bataille du Rail, nous avons là l'exemple de ce que le cinéma peut faire comme reflet, justement, de l'actualité. Car je crois que le succès de Bataille du Rail repose probablement sur l'authenticité, c'est-à-dire sur le climat exact qui a existé à un certain moment. Car Bataille du Rail a été tourné relativement peu de temps après la libération, et a été tourné avec les cheminots qui n'avaient pas tellement grand effort à faire pour retrouver le climat sous lequel il vivait pendant l'occupation. Donc, Bataille du Rail est un reflet assez précis, je crois, nous avons tous fait pour cela, de cette oui. atmosphère d'actualité qui, malgré qu'elle ait été reportée un an après, retrace assez exactement le. Oui, il est certain que l'atmosphère de votre film est très juste. Si dans le détail, si dans certains événements, on peut peut-être y trouver un léger reflet de légende. C'est Georges Charançon qui parle. L'atmosphère est absolument authentique, et c'est pourquoi votre film est si émouvant. Et s'il tranche très fortement, il n'est pas douteux qu'il tranche, je pense que mon ami Le Duca est de cet avis, sur tous les autres films de la Résistance, qui vraiment, dans l'ensemble, nous donnent une image singulière de ces journées, de ces instants dramatiques que nous avons tous vécu, car véritablement, on ne paraît pas qu'ils traduisent des choses que nous avons vues de nos propres yeux. On a l'impression qu'on nous raconte des histoires de l'autre monde, en presque dans des films comme Un ami viendra ce soir, où véritablement, enfin, on a l'impression de se trouver dans un asile de fous, non seulement sur l'écran, mais aussi dans la salle, car vraiment, les gens qui ont vécu ces heures-là doivent être un peu étonnés de l'image qu'on leur en donne sur l'écran. Voilà. y a deux parties dans le film. Il y a la lutte quotidienne de la résistance, montrant comment ça se faisait, comment on se transmettait des messages, comment on retardait les trains, comment on faisait sauter des voies. Comment d'ailleurs aussi on était fusillé, puisqu'il y a ça, c'était pas l'héroïsme sans perte, c'était sanglant, c'était. Et puis dans la deuxième partie de son film, il y a le convoi blindé qui s'en va vers le front de Normandie et que tout le monde va s'ingénier à arrêter et qui saute. Et c'est vrai que le moment, moi ce sont des images qu'on, pour moi inoubliables, je les ai vues à l'époque, juste au moment où tout ça se faisait. Et la destruction de ce convoi, la mise en scène de cet acte de résistance, c'est vrai que c'est du style épique. Mais Clément, de toute façon, ne pensait pas seulement en documentaire, en auteur de documentaire. Il avait des théories sur le cinéma. On a vu après ce que ça a pu donner. Pour moi, c'est la révélation d'un des très grands réalisateurs de l'après-guerre. C'est un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, dont je trouve curieusement la bande-son tout à fait formidable, alors que ça a été réalisé dans des conditions quasiment artisanales. Mais c'est vraiment un film qui est entrepris complètement à chaud, donc qui est fait avec, en plus qui a le mérite d'être tourné avec des interprètes qui sont pratiquement non professionnels, avec des moyens à la fois dérisoires et importants. Si vous voulez, il n'y a pas de simulation dans la bataille du Raz, il y a de la reconstitution, mais de la reconstitution avec les gens qui ont vraiment vécu les événements, avec le même matériel, avec la même ambiance, et même la qualité de la photo qui est approximative donne un climat d'authenticité au film. En plus, ce n'est pas du tout un film grandiloquent, c'est un film extrêmement précis, extrêmement minutieux, très très peu romanesque. Finalement, la seule chose qui importe dans ce film, c'est la chronologie, et il n'y a pas cette espèce de mélange de grands sentiments et d'héroïsme qui font que la plupart des films sur la résistance ont un côté un peu pompier. Là, on a l'impression de voir un documentaire, et c'est ça qui est intéressant. C'est plus intéressant que le romanesque. Ici poste 7. Le tunnel est obstrué, la voie est coupée. Il y a une explosion au dépôt. Cette ligne s'est prise par les FFI. Toutes les routes sont gardées. Les poches sont dans une souricière. Il y a déjà 50 prisonniers. Eh ben, on voit qu'ils ont reçu des armes. Alors, laissez vers eux. Il y a un convoi de frisés en pleine débandade. Dites donc, il n'y a plus grand-chose comme trafic. Ils ont réquisitionné des camions. Ils volent toutes les bicyclettes et les charrettes. C'est un convoi qui a été bombardé par les Anglais l'autre nuit. Simplement à placer pour moi des visages, l'expression de certains visages, car je vois une image, devant une actualité brûlante. C'est cela, oui. Mais quand il s'agit de faire bouger un visage, il faut lui donner une psychologie. Cette psychologie, je ne la dis pas avec des mots comme au théâtre, je la dis avec des mouvements. C'est pourquoi, au premier abord, il me semble que la psychologie n'est pas apparente, mais elle fait agir mes personnages. Alors qu'au théâtre, et c'est le cas des incendiaires, on leur fait dire leur psychologie plus qu'on ne les fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un conflit psychologique trouve davantage sa place au théâtre qu'au cinéma. Parce que justement, il s'exprime davantage avec des mots, parce que c'est un conflit intérieur, que par des images, par de pures images. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les aubépines sont en fleurs. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. Deux fois. Véronèse est un grand peintre. Le chat sort des sacs. Ça y est alors, ça y est. Thank you. débarqué. Non. Ouais, fais voir la carte. Ils ont débarqué. Ici la gare de Saint-Henri. On vient d'aller chez le drapeau. En pleine bataille sous le feu des mitrailleuses. Oh, attendez. On a rétabli la voie. Écoutez, le premier train va partir. Les gars l'ont décoré. Il y a des drapeaux à toutes les portières. Des paroles partout. J'ai plein de fleurs. Toute la ville est sur le quai de la gare. Écoutez ça. Ici, poste 8. Le premier train, le 122, à 2h45. Allez, allez à toi le premier. Hein. C'est la résistance, supposons, il n'en est pas question, mais qui aurait répondu à l'intérieur à l'appel du 18 juin. Ça c'est sûr, c'est évident, et il n'est fait aucune allusion, parce qu'il y a bien dû avoir dans tout ça des cheminots qui étaient proches du Parti communiste. Il n'y a pas de marque distinctive, la résistance... C'est comme je disais au début, c'est la résistance officielle, mais avec des événements vrais qui restent vrais dans leur représentation. Remember this. France lives. Vive la France. Vive la France. That letter will be delivered. Bien, alors, il y a la résistance en France telle qu'elle est vue par les Français ou telle qu'elle est peu vue par les Français. Il y a la résistance telle qu'elle est, je dirais, imaginée dans le cinéma américain. Est-ce que vraiment ils avaient une idée de ce qu'était la résistance ? Les films américains faits pendant la Seconde Guerre mondiale et qui traitent de la résistance relèvent pour l'essentiel de la propagande, même s'ils ont des qualités artistiques certaines. Je veux dire, on pense à un film comme Casablanca, on pense surtout au Port de l'Angoisse de Hawks. Je crois que significativement, les films américains les plus intéressants consacrés à la résistance française ne se passent pas à Paris. Ce sont des films qui se passent ou au Maroc, c'est le Casablanca de Curtis avec Bogart. Passage to Marseille, ça ne se passe pas du tout à Marseille, c'est... tout à fait autre chose. Et Le Port de l'Angoisse de Hawks, alors qui est un film absolument magnifique, c'est la lutte contre Vichy à la Martinique, avec Bogart, Lorraine Bacall, bien sûr. Et on a l'impression que c'est plus une lutte entre le bien et le mal un petit peu idéalisée que quelque chose de très précis sur ce qui peut se passer en France. Il est fait vraiment de vagues allusions à Pétain, mais ce n'est pas montré comme le mal absolu. Il est beaucoup plus question des Allemands eux-mêmes, des agents de la Gestapo qui sont à la Martinique, par exemple, dans le Port de l'Angoisse, que des Français qui collaborent. C'est assez peu une question d'idéologie, c'est plus une question d'aventure personnelle et de prise de conscience personnelle. Et ce ne sont pas des films militants, ce sont des films combattants, je crois qu'il y a une nuance là. Ce sont des films qui mettent en scène le héros américain typique, c'est-à-dire Bogart, qui se laisse petit à petit entraîner dans l'action, alors qu'au départ, ça ne l'intéresse pas vraiment, et qui s'engage pour des raisons parfaitement individuelles. Je veux dire, Bogart, dans Le Port de l'Angoisse, s'engage d'une part parce qu'on embête son vieux camarade Walter Brennan, les Allemands l'embarquent, et la police française d'ailleurs l'embarque pour le faire parler. Ces gens-là persécutent, causent des ennuis à un tenancier de boîte de nuit qui lui est sympathique. Ces gens-là causent des ennuis à une femme pour qui il a de l'intérêt, mais ce sont ces petites motivations individuelles qui vont le décider à s'engager. Ce n'est pas vraiment par... Bogart ne s'intéresse pas du tout à la politique de Vichy ou à Pétain ou à quoi que ce soit. Je veux dire, il voit de quel côté lui viennent ses ennuis et décide de se battre d'une manière tout à fait individuelle. C'est une histoire d'engagement individuel. Il n'y a pratiquement pas d'idéologie. Stay right where you are and keep quiet. Stay right where you are. Who's that? Sûreté Nationale. Gestapo, huh? Mm-hmm. A lot of them, isn't there? What happened to this man? Mr. Bullet. His name is Johnson, an American. Unfortunate. Take him away. Yes, sir. Your attention, everyone! All this is regrettable, but there's no cause for alarm. We are only interested in those persons who have broken the rules laid down for their behavior. We shall pick out certain individuals. Those we do not designate will leave immediately. This place will then remain closed for tonight. This man? You? You? And Mademoiselle. Was you ever bit by a dead bee? Come with me, please. D'après vous, Dominique Rabaudin, qu'est-ce qui a fait le succès d'un film comme Casablanca? Dans la mesure où, je dirais, il fait partie de ce qu'on appelle les films cultes, maintenant. Oui, c'est un film culte par excellence, un des films les plus aimés de toute l'histoire du cinéma américain, peut-être le film préféré des Américains. Bon, c'est un film romanesque. C'est un film mythologique, c'est un film d'amour, c'est un film où l'on se bat, là aussi, par idéalisme, pour une femme que l'on aime, par esprit chevaleresque. Ce n'est pas un film où l'on met directement en cause une politique, où l'ennemi est désigné au départ comme étant le mal. C'est le camp ennemi qui se trouve représenter le mal et qui agit contre ce qu'il est chevaleresque, normal de faire. Mais pourtant, lorsqu'on prend un film comme Casablanca, je dirais, il y a des scènes qui, enfin, à la limite, il fallait oser les faire. Je pense cette scène, par exemple, où dans le bar, des officiers allemands chantent un chant nazi, les Français tout à coup se regroupent, chantent la Marseillaise, finissent par leur porteur chantant la Marseillaise. Je dirais, il suffirait de presque rien pour tomber dans le ridicule. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas des moments où l'on ne tombe pas dans le ridicule. Je veux dire que je passe de Casablanca au Port de l'Angoisse, les quelques scènes où l'agent de Vichy, joué par Dan Seymour, est menotté aux mains, giflé par Bogart avec son béret sur la tête, etc., c'est à la limite extrême du ridicule. mais tout cela fonctionne parce que il n'y a rien de systématique ni rien de schématique, et que tout cela est porté par un certain lyrisme, par ça a une hauteur de ton, il y a un moment où ça veut être évident. Ce qui est intéressant dans le cas de ces films-là, c'est que la lutte doit devenir évidente. C'est pour ça que ce sont des films de propagande, bien évidemment, au départ, mais ce sont des films de propagande intelligents où on ne démontre pas, où on montre, par contre, petit à petit, ce qui peut entraîner quelqu'un qui, a priori, n'a pas du tout l'esprit de résistance, à prendre parti et à choisir son camp. What about your two passengers? What passengers? The ones you brought over from Antigua. He was waiting on the dock when we came in. How do you think I got him ashore in my sleeve? You could have landed them a dozen places on our coastline. That's right, I could have at that. Would $500 refresh your memory? Oh, my memory's pretty good. For instance, I can remember that you're the guy who lifted my passport and all my money. Would your memory become any better if your passport and money were returned to you? That include the $825 Johnson owed me? Why not? And the $500 you just mentioned. You drive a hard bargain, Captain Morgan. Well, that's no bargain. If these people are as important as you seem to think they are, they're going to be pretty hard to find. Not for a man of your resourcefulness. Think it over, and let me hear from you. Zum ersten Mal in Deutschland. Und ich weiß, so wie ihr, bin stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut. Wird heute Deutschland in stolzer Freude seine... Quand est-ce qu'un riche commencera à exercer à Buenos Aires? Oh, bien, nous n'avons encore rien décidé. Comment vous n'avez rien décidé? Je m'étais mis stupidement dans la tête que tu aurais pu jurer fidélité à cet imbécile en Europe, ce peintre en bâtiment avec une moustache. Il y a beaucoup de peintres en bâtiment en Europe, grand-père. Et certainement des milliers d'imbéciles. Ah, oh, oui, juste, oui. Mais c'est un soulagement de savoir que tu n'en fais pas partie. Je t'avouerai que grand-père n'en a jamais dit autant de moi, Henry. Comment est-ce qu'il s'appelle, cet aliéné? Hitler. Adolf Hitler. Hey, Hitler. Il n'y a personne qui puisse parler de la sorte devant un bon Allemand. Père, je t'en prie. Un Allemand? Un bon Allemand, dis-tu? Où ça? Je ne vois pas d'Allemand à cette table. Mes filles sont argentines. Les maris de mes filles sont venus, l'un de France, l'autre d'Allemagne, quand ils étaient très jeunes. Maintenant, ils sont argentins. Et mes petits-enfants aussi. Tout le monde à cette table est argentin. Alors dis-moi, qui à cette table est un bon Allemand? Je suis un bon Allemand. Et parce que je suis un bon Allemand, j'ai abandonné depuis longtemps la médecine pour travailler pour le parti nazi. Je suis fier de dire que j'y occupe une situation très importante. Die Heil Hitler, dans cette maison. Die Heil Hitler. Les films américains qui parlent de la résistance sont assez curieux parce que, au départ, on observe une attitude de neutralité. C'est la même chose dans Les Quatre Cavaliers et l'Apocalypse. Donc, le personnage principal joué par Glenn Ford est un Argentin qui se retrouve à Paris, occupé par les Allemands et qui n'est absolument pas gêné pendant toute la première partie du film, d'acheter des tableaux, de profiter de la vie, de profiter de ses fortunes, d'acheter des œuvres d'art, de fréquenter les Allemands. Il a un cousin qui est dans l'armée allemande, mais qui petit à petit, voyant le mal que l'on cause à ses amis, prend davantage parti pour ses amis que pour une cause. C'est toujours une démarche individuelle. Et puis, il y a cette chose curieuse que l'on a pu remarquer à propos des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, là, qui est un film tout à fait tardif, c'est un film de 61 ou 62, c'est que La décision de Glenn Ford de s'engager à côté de la résistance, quand le Français qui le reçoit à la Sorbonne lui demande pourquoi il veut s'engager, Glenn Ford lui dit « je ne sais pas ». Dites-moi, pourquoi un homme tel que vous veut-il faire partie de la résistance ? Je ne sais pas. Oui, c'est sans doute une réponse qui en vaut une autre. Naturellement, je ne veux pas feindre de sous-estimer vos possibilités d'action. Un homme qui a vos relations, votre réputation de, comment dirais-je, de personnage superficiel et léger. Oui. Je crois que vous pourriez nous aider énormément. Oui, c'est entendu. Mais je... Si vous êtes sincère. Mais il faut d'abord que nous le sachions. Oui, mais comment? Comment je peux le savoir? Vous serez contacté dans 2 jours par un homme que nous nommerons Le Beau. Le reste dépendra de vous. Si on reprend le film de Minelli, Dominique Rabourdin, Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le titre même fait référence, et d'ailleurs à l'intérieur du film c'est dit tout à fait clairement, fait référence au texte de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est-à-dire finalement à la fin des temps, au déchaînement de l'horreur, au jugement dernier qui arrive. Et donc ça veut dire quand même qu'il y a une prise de parti, idéologique, même si ce n'est pas dit en tant que tel. Oui, il y a une prise de parti. Le début du film se passe en Argentine et l'on voit une famille se scinder en 2 camps, la partie allemande et la partie française, ce qui cause la mort du grand-père, interprété par Lee Jacob. Ensuite, les 2 pères respectifs, interprétés par Charles Boyer et par Paul Lucas. L'un se retrouve général à Paris et l'autre est un Français qui vit simplement à Paris parce qu'il profite de sa fortune. Et il faut vraiment la fin du film pour qu'il supplie son fils de faire quelque chose. Et Glenn Ford prend parti parce que son père le lui demande, parce que sa jeune sœur lui reproche d'être un lâche, parce que la femme qu'il aime est la femme d'un homme qui a été torturé, parce que tout cela commence à devenir beaucoup trop pesant et que lui, qui se réclame comme neutre pendant les 2 tiers du film, ne supporte pas qu'on l'empêche de vivre comme il a envie de vivre. La scène clé des 4 cavaliers de l'Apocalypse se situe dans une grande boîte de nuit qui s'appelle la Martinique, où on voit Glenn Ford en smoking impeccable danser avec Ingrid Thulin, qui a une robe absolument admirable. Il s'assoit à une table, ensuite ne peut pas refuser l'invitation de son cousin à venir s'asseoir à sa table, refuse différents prétextes pour que sa compagne danse avec un officier allemand. Et il y a un moment tout à fait extraordinaire qui ne relève pas directement de l'idéologie, c'est quand le cousin de Glenn Ford, qui joue le rôle d'un colonel des SS, interdit à un général allemand qui s'appelle von Kleig, lui interdit de danser avec la compagne de son cousin, et lui dit à peu près textuellement « Général, vous êtes peut-être le maître de la place de Paris, mais mon cousin, lui, est maître d'un territoire qui vous sera à jamais inaccessible. » Je veux dire, c'est ce territoire individuel qu'il s'agit de préserver, je veux dire, au nom de l'amour, au nom de la liberté, et pas simplement parce que les Allemands interprètent le mal. Le mal se déchaîne après, à la suite de toute cette série d'événements qui mettent en cause des valeurs qui, au départ, ne sont pas des valeurs idéologiques. Bon, il se trouve que, en face de la torture, de l'emprisonnement, de l'injustice, de la violence, des représailles faites par les Allemands contre les premiers mouvements de résistance, il est évident qu'il faut prendre parti. Mais c'est une suite de décisions plus dicté par le cœur que par la raison. Et c'est la même chose pour Bogart, c'était la même chose pour Bogart dans Casablanca, c'est par amour pour Ingrid Bergman et parce qu'il aime une femme qui a épousé un personnage de la résistance. Ça devient à un moment la lutte du bien et du mal, mais par petites étapes, comme s'il était nécessaire de justifier un engagement par autre chose que par de grandes raisons. I have just received a wireless message which is of concern to all of us. June 23rd. France, under the leadership of Marshal Pétain, has signed an armistice with Germany. According to reports, an emergency government has been set up in Vichy and is negotiating with the Germans. It is agreed that the Nazis will occupy the capital and that Hitler will make a triumphant entry into Paris. Il semble qu'il y ait un problème sur lequel on puisse se poser une question, Dominique Bourdin, qui est que lorsqu'on voit les films produits, d'une manière générale, sur la résistance, par les Américains, sur la résistance qui se passe en Europe, par les Américains, et alors particulièrement en France, ce sont quand même des films qui sont, je dirais, qui prennent quand même clairement parti pour la résistance et pour la France libre. Alors qu'on sait très bien que le gouvernement américain, à la même époque, je dirais quand même beaucoup plus mitigé, garde des liens avec Vichy, etc. Comme si finalement le cinéma était nettement plus en pointe, du point de vue politique, que le gouvernement américain lui-même. C'est parce que je crois que la raison est relativement simple, c'est qu'un certain nombre de producteurs américains, d'abord c'était des exilés qui ont décidé de produire des films pour lutter contre l'occupation de leur pays par les Allemands. Ensuite parce que un certain nombre de ces producteurs étaient juifs, donc savaient ce qui se passait en France et en Europe et ont entrepris des films qui dénonçaient le traitement que les Allemands faisaient subir aux juifs et aux résistants. Plus la traditionnelle idéologie de gauche d'un certain nombre de studios comme la Warner, qui, comme par hasard productrice de Casablanca, productrice du Port de l'Angoisse. Bon, ce sont ces firmes-là qui prennent parti d'une manière très nette. C'est vrai que le gouvernement américain ne fait pas grand-chose, se contentera. Enfin bon, ça donnera des résultats formidables d'envoyer des gens comme Houston ou Wyler ou Ford tourner un certain nombre de batailles, ou Capra, qui font des films magnifiques, mais qui relèvent alors purement du documentaire. Vive la France ! Avec 1958 et le retour au pouvoir de De Gaulle, on a une veine résistentialiste massive, dont le plus beau fleuron est peut-être Babette Saint-Va-t-en-guerre, c'est-à-dire qu'on enrôle tout ce que le cinéma français compte de valeur, Brigitte Bardot étant à l'époque la valeur number one, et avec ça on fabrique une espèce de fiction un peu bouffonne, qu'on légitime en envoyant le film représenter la France au Festival de Moscou, à l'époque c'était pas rien, où le film est évidemment applaudi, et le film revient, pour mémoire, c'est le premier film français de fiction, où on voit apparaître, sous forme d'une main et d'un manche d'uniforme avec deux étoiles, la figure de De Gaulle dans la fiction. Et si on cherche après, il n'y en a pratiquement pas. On ne voit plus jamais, enfin on voit l'ombre de De Gaulle dans l'Armée des Ombres de Melville, mais c'est tout. Et il y a eu là, bon, il y a eu d'autres films, il y a eu la Verte Moisson de François Villiers, dont Daniel Valcroze disait, en rigolant un peu, que c'était le début de la propagande de la Ve République et qu'on se préparait à endormir les Français avec l'opium tricolore. C'était pas mal pensé. Bon, cette veine dure peu d'années, parce qu'en fait les sujets sont pas très exaltants, et qu'en même temps, je pense qu'il n'était pas possible, pour des raisons multiples, de gratter un peu, on vivait encore dans une autre forme d'unanimisme. Il y a un autre film de René Clément qui est peut-être assez intéressant, qui est Le Jour et l'Heure, avec Simone Signoret, dans la mesure où là, ce qui nous est montré, c'est, je dirais, comment une grande bourgeoise, finalement, d'un milieu apparemment plutôt vichysois au départ, est peu à peu, je dirais, comme malgré elle, entraînée à faire acte de résistance. Bien écoutez, ça, je suis ravi d'entendre prononcer ce titre, parce que Le Jour et l'Heure, qui a été tourné fin 50, début des années 60, bon, effectivement, participe d'un deuxième courant, c'est pas compliqué, c'est le retour du général de Gaulle aux affaires, mais c'est le premier film à ce moment-là, et ça j'en avais discuté beaucoup avec René Clément, parce que j'aime énormément le film, qui nous montre d'une façon, mais très précise, parce que ça, pourrait presque en témoigner, bien que n'ayant pas appartenu au même milieu que Simone Signoret dans le film, c'est la France des derniers mois de 44, c'est-à-dire la France déglinguée. La France où le gouvernement de Vichy ne va pas tarder. De toute façon, c'est plus qu'un gouvernement fantoche, où les alliés vont arriver de délivrer la France. Et à ce moment-là, c'est très précis, hein, c'est très daté. C'est-à-dire que c'est le moment où les jeux sont faits et où il faut absolument, qu'on le veuille ou non, choisir son camp. Et ce que Clément a magnifiquement réussi, c'est justement la prise de conscience de cette femme, sans que ça soit pour autant un film appuyé psychologiquement, puisqu'elle est mêlée malgré elle un peu à des événements. C'est une bourgeoise du 16e arrondissement, le mari est un homme d'affaires qui est prisonnier, il y a une histoire, elle vit avec une belle-sœur dans un grand appartement du 16e, qui est une femme d'affaires... acharné, il est question d'argent et ce sont des gens, il y a une entreprise familiale qui évidemment ce sont effectivement pas exactement des collaborateurs mais enfin des pétainistes acharnés qui sentent que quand même que la fin va arriver, ils sont quand même un petit peu compromis et elle a rien fait, elle a attendu et par hasard elle se trouve amenée à héberger chez elle un soldat américain qui a été parachuté que la résistance n'a pas pu récupérer. Elle le fait d'abord pour rendre service et elle se trouve entraînée tellement bien qu'elle est amenée à le conduire vers le sud pour qu'il puisse rejoindre les maquis des Pyrénées et passer en Espagne. Et au cours de ce voyage qui est très périlleux, où il y a des scènes très dramatiques, brusquement, elle s'aperçoit qu'elle était du mauvais côté, puis après, elle ne sera plus du mauvais côté. Mais c'est pas du tout démonstratif. Et ce que je trouve formidable dans ce film, c'est d'une part de même qu'il avait très très bien reconstitué en deux ou trois séquences l'exode de 40 au début de Jeux Interdits avec les populations mitraillées sur les routes, là il a tout un film où vous êtes dans la France de la fin de Vichy, qu'on traverse de Paris jusqu'au sud. Et vous avez par exemple ces séquences qui se passent dans un train bondé, comme étaient tous les trains à l'époque où on pouvait pas s'asseoir, il y avait pas de place, tout le monde montait dans les trains, etc. Et où il y a un type de la Gestapo qui est sur leurs traces et qu'à un moment donné, les gens qui sont dans le couloir aident à jeter par la portière, dans un silence parfait, sans rien se dire, simplement parce qu'ils agissent comme ça. Vous avez également, quand ils se trouvent à Toulouse, une allusion au fait que la résistance abattait des collaborateurs, et puis le moment où ils sont arrêtés par la police de Vichy, et qu'ils se trouvent tous les deux en face d'un policier, qui pourrait les faire torturer, qui d'ailleurs, et qui finalement les laisse filer du fourgon cellulaire, en se disant, ça va peut-être me servir, parce que dans quelques temps, il va falloir rendre des comptes. Et ça, je trouve que historiquement, c'est un film impeccable. Près 200 mètres, à droite, la route de Saint-Gaudens. Le pays est plein de maquisards. Surtout, ne vous laissez pas reprendre. Cette fois, je ne pourrai rien pour vous, ni pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Quand le moment viendra, n'oubliez pas le commissaire Marboz. Marboz, M-A-R-B-O-Z. Dans Le Jour et l'Heure, c'est Jacques Sicily. Vous faisiez allusion à cette séquence qui se passe à Toulouse avec un officier de police, de la police de Pétain. Et on peut se demander si là, il n'y a quand même pas une sorte de regard, je dirais presque d'entomologiste sur les hommes. Dans la mesure où cet officier de police, on voit très bien en quoi il a été un pétainiste tout à fait convaincu, collaborant avec la Gestapo, et comment, je dirais d'une manière tout à fait cynique, finalement, il négocie la liberté de ces gens pour se dédouaner auprès de la résistance, et donc la manière dont, je dirais... finalement, les institutions de la France variaient selon le courant dominant, selon le vent comme il soufflait, et la manière dont tout un certain nombre de gens, je dirais, se sont dédouanés, finalement. Oui, mais ça, c'est sûr, mais je me suis toujours demandé si ce sujet-là, on aurait pu le tourner en 45-46, parce qu'après tout, c'était tout prêt. Pouvait avoir la même histoire, il a fallu attendre quand même un certain nombre d'années de réflexion et tout. Parce qu'à ce moment-là, quand même, là, quand Clément fait le jour et l'heure, on est en train de revenir sur ce problème de Vichy qui n'est toujours pas, enfin de Vichy, du coup, disons pas de la ville parce que ça les vexe toujours beaucoup, disons de l'État français du maréchal Pétain installé donc à Vichy et de ses compromissions avec les Allemands. Et en particulier, là, on a tous les fonctionnaires, les administrateurs du gouvernement de Vichy qui se disent faut prendre des options pour l'avenir. Vous savez, on n'est pas tellement loin de ce qu'on a découvert par la suite, à savoir les retournements de veste ou les histoires de... Ça pourrait rejoindre, bien qu'il n'en soit pas question, les histoires de Touvier, les histoires de Maurice Papon ou des choses comme ça. Je veux dire que ce fonctionnaire du gouvernement de Vichy qui sauve des gens qui, normalement, il devrait faire arrêter et peut-être même fusiller... c'est quand même typique. D'ailleurs, dans ce film, dans Le Jour et l'Heure, il y a constamment un climat délétère qui était celui de ces mois-là. Bon, c'était pas sur le personnage de Signoret qui est vraiment prodigieuse. Bon, mais sur l'entourage, sur la façon dont ça se passe, sur la crainte qu'on a encore d'être arrêté et l'espèce d'étouffoir où on sent que il y a un régime à l'agonie, ce sont ces derniers soubresauts. On voit beaucoup moins les Allemands là-dedans. Bon, il y a le type de la Gestapo, mais c'est essentiellement un film sur la France de Pétain, sur la fin de la France de Pétain. Avant la guerre, j'étais un ennemi juré de la République. J'avais formé avec mes métayers, mes valets de chais, mes piqueurs, un peloton armé de fusils de chasse et de revolvers, destiné à enlever d'assaut, à cheval, la préfecture voisine en cas d'insurrection royaliste. Ce peloton parfaitement organisé et entraîné existe toujours et assure ma protection éventuelle. Le baron m'avait lui-même proposé que j'organise des parachutages ou des atterrissages sur ses terres. Ses souhaits ont été exaucés au-delà de toutes ses espérances. Étrange carousel. Tout à fait à la fin du gaullisme, on a une autre borne, qui est peut-être la plus intéressante de toutes, c'est l'Armée des Ombres de Melville, qui est un film qui raconte d'une manière documentée ce que pouvait être la vie d'un réseau de résistance dans la France occupée, à Lyon en particulier, les allers-retours à Londres, enfin bon, techniquement, c'est remarquablement fait, et... Il n'y a pas de dérapage historique sur ne fait intervenir ni Tintin ni Brigitte Bardot. S'il vous plaît. Je me nomme Werner von Ivrenac. Melville a fait d'abord Le silence de la mer, qui est un film tiré d'un roman publié clandestinement aux éditions de Minuit de Vercors, qui était un pseudonyme d'un écrivain résistant. Dans une propriété à la campagne, un vieil homme et sa nièce sont obligés, sur réquisition, de loger un officier allemand. Il tente d'entrer toujours en contact avec eux parce que c'est un grand admirateur de la culture française et il est pour, ça se passe donc au début de l'occupation, fin 1940, lui est persuadé que malgré la défaite, les deux peuples peuvent s'entendre, qu'il y a des points communs, etc. Et le vieil homme et sa nièce tous les soirs l'écoutent parler, ne lui répondent jamais. Cette espèce de résistance silencieuse qui est une opposition, mais ça se situe sur un plan, cet officier... C'est une exception, c'est quelqu'un de la Wehrmacht, c'est pas un SS, c'est quelqu'un de cultivé qui vit dans les... Ce qui n'était pas une illusion, ce qui était une idée tout de même de pas mal d'intellectuels ou d'artistes de rapprochement culturel franco-allemand et qui en fait ne représente pas le nazisme. Et puis à la fin, il s'aperçoit qu'au fond, tout ça, ça sert à rien, il va s'en aller. Mais à ce moment-là, À côté de ça, on avait donc les films de résistance dont on a parlé tout à l'heure, dans lesquels on voyait des Allemands déchaînés qui étaient des brutes, mais c'était les SS. Bon, quand on arrive à l'armée des ombres et à cette période-là, l'espèce de côté message pacifiste, mais en même temps appel à la résistance silencieuse qu'il y a dans le silence de la mer, qui historiquement a eu son importance, il est plus du tout de saison, puisqu'on sait que derrière tout ça, il s'est passé tout ce qui s'est passé, la France mise au pillage, le gouvernement de Pétain, les gouvernements de Pétain pliant le genou devant les occupants, les déportations de juifs, la chasse à la résistance, les fusillades, enfin tout. Donc quand on arrive à l'armée des ombres, on a des gens qui se battent à la fois pour libérer la France et pour sauver leur vie. Et là, vous voyez des Allemands qui sont les... le Werner von Ebronach, cet officier cultivé du silence de la mer, il n'a pas sa place dans ce monde-là. Donc il y a un grand décalage. Je pense que le silence de la mer, même quand on le revoit maintenant, c'est un très beau film, mais c'est un film qui n'était valable que par rapport à une sorte d'humanisme. Bon, l'armée des ombres, c'est la glorification de la résistance sous l'égide de De Gaulle, du gouvernement de Londres, et en même temps, ça rend très bien compte de toutes les difficultés qui se sont passées et des périls qui guettaient ces réseaux, qui étaient à la merci d'une dénonciation, qui étaient à la merci de la police et de tout ça. Et très curieusement, ça rejoint quand même les préoccupations de 1994, parce que voilà que maintenant tout remonte à la surface et qu'on rediscute de tout ce qui s'est passé. On n'a plus... Il n'y a plus les mêmes certitudes, c'est ça. Il n'y en a plus pour tellement longtemps. En forme, Michel? Ça va. Vous me détestez. C'est pas que je vous déteste, mais je vous aime pas. Excusez-moi, j'ai la pétoche. Moi aussi, j'ai la pétoche. Nous allons avoir la pétoche tout le temps. Il faut vous habituer à vivre dans la pétoche et à faire comme si vous ne l'aviez pas. 25 mai 66. Si vous êtes là tous les deux, Alexandre Astruc et Claude Chabrol, c'est que précisément, je crois que cette semaine, l'un et l'autre, vous sortez chacun un film à Paris, et coïncidence ou pas, ce sera à vous de nous le dire, chacun de ces deux films porte sur la guerre, Monique Bergès. La ligne de démarcation que nous a présenté Chabrol hier soir, qui est un bon film, et sur la résistance, exactement, la longue marche d'Alexandre Astruc que nous verrons demain. En effet, comme vous venez de le dire, deux films sur la guerre et plus particulièrement sur la résistance. Est-ce un besoin, une nécessité? Qui vous a poussé à ce choix? Qui répond d'abord? Alexandre Astruc. Eh bien, je dois dire une chose, c'est que c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. La résistance, il y a 20 ans de ça. Et j'avais 20 ans. Et pour moi, c'est une chose qui était aussi importante, si vous voulez, bien que je n'ai pas de titre du tout... que c'est probablement la guerre de 14 l'a été. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un film historique que j'ai fait, c'est un roman qui se passe pendant la résistance, mais la résistance n'est pas un prétexte. Mais pourquoi la longue marche? Enfin, la longue marche, généralement, c'est la longue marche de Mao Tse-Tung et des communistes chinois. Vous avez pensé à ça en allant... C'est même un livre de Styron, publié récemment. C'est un livre de Styron, c'est un livre de Simone de Beauvoir. Claude Chabrol, alors, ligne de démarcation. Alexandre avait 20 ans au moment de la libération, et Claude Chabrol, lui, en avait 8 ou 9. La libération, non, j'avais 15 ans. 15 ans, tout de même. Alors, tout de même des souvenirs. Et c'est ce que vous avez voulu évoquer, je crois. Oui, alors moi, contrairement à Alexandre, enfin, j'ai plutôt cherché à faire un film historique. Enfin, je me suis intéressé beaucoup à la façon dont vivaient les gens à l'époque. Et d'ailleurs, le film d'Alexandre se déroule en 44 et demi, en fin 41, début 42. Oui, c'est-à-dire au moment où les gens essayaient de passer, de franchir cette fameuse ligne de démarcation. Alors évidemment, vous présentez des personnages qui vivaient au bord de cette ligne, qui se comportaient qui en héros, qui en poltrons. C'est la vie d'un village. Oui. C'est la vie d'un village avec le curé plutôt résistant, oui. La vie d'un village que vous avez très bien traité. Et là, vous avez voulu, en somme, fixer vos propres souvenirs d'enfance. Oh non, non, plan historique. Rien, oui, non, n'exagérons rien. Ce qui m'intéressait, c'est le fait de refabriquer un village pendant l'occupation, parce que j'étais dans un village pendant l'occupation. Et dans ce sujet, c'est la façon dont, entre fin 41 et début 42, les gens ont commencé à se dire que l'astuce n'était peut-être pas seulement... d'essayer de se débrouiller avec ce qu'on avait, c'est essayer de piquer des jambons à droite et à gauche, de, de trouver des petites choses, mais de commencer à essayer de s'organiser pour que les gens qui vous encombraient puissent foutre le camp. Les juifs, qu'est-ce que tu en as fait, saloperie? Non, fumier. Tu les as abandonnés dans le bois. Et t'as volé la petite valise du vieux. C'est pas vrai? Tais-toi, ordure. Après ça, t'as foutu le camp. Et ils se sont fait ramasser tous les quatre avec le bébé. C'est pas vrai? Si tu répètes encore une fois que c'est pas vrai, je t'écrase la gueule. C'est compris? Ordure. Qu'est-ce que vous allez me faire? Ce que je vais te faire. Ce que je vais te faire, salope. T'as pas compris pourquoi je t'ai laissé creuser ton trou? Non! Au secours! Te fatigue pas à crier, va. Te fatigue pas à crier. Si c'est la patrouille que t'appelles, elle passera pas avant 2 heures. Et là, j'aurai le temps de leur boucher ton trou. Écoutez, monsieur Robin, j'ai une femme et 4 gosses, on n'arrivait pas à joindre les 2 bouts, c'est pour ça. Et le gosse de la femme que les Allemands ont emmené, tu l'as pas regardé, celui-là, hein? Écoutez, je vais tout vous donner. J'ai de l'argent, j'ai 25 000 francs et des valises. Il y a des bijoux dans la valise du vieux. Mais pour qui me prends-tu, petit salaud? Oh, pitié. Petit salaud! Pitié. Il manque dans le cinéma français quelque chose qui a été traité à la fois par les Italiens qui ont eu une résistance active entre 1943 et 1945 ou par certains pays de l'Est qui ont eu une résistance active pendant toute la guerre ou seulement à la fin de la guerre, je pense à la Pologne, à la Tchécoslovaquie, même à la Hongrie, qui ont fait des vrais films d'histoire de la résistance, sans doute aussi parce que ces films légitimaient le régime en place qui sortait tout armé, si on peut dire, de la lutte antifasciste, même s'il sortait parfois un peu dans les fourgons de l'armée rouge, il y avait eu une résistance et on l'a bien traitée. En France, on peut s'interroger sur le fait, par exemple, que aucune des grandes figures de la résistance n'a fait l'objet d'une biographie filmée. Il n'y a pas eu de Pierre Brossolette, il n'y a pas eu de Jean Moulin, il n'y a pas eu de gestes ou d'épopées liées à la résistance. De temps en temps, on a des films dans lesquels se glisse une scène dans un retour en arrière, mais qui est toujours très très conforme. Le résistant, c'est toujours un type qu'on voit apparaître, soit la mitraillette à la main, marchant sur un plateau de l'Aveyron, je sais pas quoi, soit un personnage avec une chemise couverte de sang qu'on voit traverser un couloir entre 2 Allemands ou 2 gestapistes, ou 2 gestapistes français, parce que ça a été montré au contraire. Mais le fait, il n'y a pas de grand film sur les maquis, par exemple. Il y a eu une tentative qui aurait pu être complètement passionnante, et qui ne l'a pas été, peut-être parce qu'on en a trop traîné à l'utiliser, à partir de matériel qui avait été réuni au Vercors. Ce sont les seules images documentaires réelles, ces images directes, qui avaient été tournées au Vercors. Il y a eu 3 opérateurs qui ont tourné avec le maquis des images qui ont ensuite été enterrées, qui ont ensuite été exhumées, développées, et dont on s'est demandé, c'était le Comité français de libération du cinéma qui en était le gestionnaire, qui les a ensuite passés à une entreprise méritoire et passionnante qui s'appelait la Coopérative du cinéma français, qui était née aussi de l'héritage de la résistance, et qui a chargé un cinéaste, Jean-Paul Le Chanois, d'utiliser ces documents qui représentaient peut-être 15-20 minutes en les coulant dans un film. Et le projet de film a été tant de fois repris, retravaillé, que quand le matériel est sorti dans un film qui s'appelle Au cœur de l'orage, ça avait pris un coup de vieux terrible. Enfin, l'encadrement et le matériau brut se mariaient mal. C'est un échec un peu dommageable pour tout le monde. « si on prend les principaux personnages de l'Armée des Ombres, je pense par exemple au chef du réseau, Jardy, qui d'ailleurs apparemment est une figure de Cavaillès, en grande partie, puisque c'est un philosophe des mathématiques, qui croit totalement à ce qu'il fait, qui en même temps se fait assez peu d'illusions sur la condition humaine. Si on prend le personnage joué par Lino Ventura, qui sait très bien que la résistance, ça passe par des actes de terrorisme, par des exécutions, etc., on a l'impression que par rapport, je dirais, à l'héroïsme spontané et épique de la bataille du rail, on est entré dans ce que j'appellerais un héroïsme conquis. Oui, parce que effectivement, ils partent pas, si j'ose dire, avec la fleur au fusil. Bon, même les fusils cachés, ils se trouvent constamment en péril. La bataille du rail donne l'idée juste, mais très tout de même assez circonstancielle, d'un héroïsme, d'un élan comme ça. Inévitable, voulu, etc. C'est le peuple de France qui, à travers les cheminots, se lance dans la bataille. Les réseaux de résistance de l'Armée des Ombres est effectivement composé par des gens qui ont des formations diverses, mais qui se rejoignent dans cet esprit de résistance, mais qui savent très bien que il y a un écart énorme entre l'idéalisme et la réalisation d'actes qui sont difficiles et dangereux et qu'on n'évite pas. Alors là, évidemment, bon, on peut dire, bah oui, bah ils ont eu du sang sur les mains exactement comme les autres, mais ils peuvent pas faire autrement. Quand on est obligé d'éliminer un mouchard, bon, bah c'est pas beau à voir. Et les personnages que vous citez, bon, ben, il y en a un qui fonce, et puis l'autre qui réfléchit, qui regarde ça en philosophe, mais d'une certaine manière, ils se disent qu'ils ont un devoir à remplir, et ils le font tout en étant très lucides sur les circonstances de leur action. D'ailleurs, l'Armée des Ombres, bon, ce sont des gens qui vivent constamment dans la clandestinité, mais c'est pas une clandestinité facile. On a toujours l'impression, dans les premiers films de résistance, bon, jusqu'au moment où les gens se font prendre parce qu'il y a eu un petit loup quelque part qui a fait craquer le truc, que la clandestinité, ça se vivait comme une grande aventure, mais ça se vivait dans la peur, ça se vivait dans l'inquiétude, et ça se vivait aussi dans la méfiance, et je trouve qu'on le sent très bien dans l'Armée des Ombres, et qu'on est obligé. Alors, vous parlez d'héroïsme conquis, ben oui, c'est vrai. Je pourrais dire, et c'est pas péjoratif du tout, qu'en son temps, au moment où il est arrivé, La Bataille du Rhin est un film exemplaire. Bon, qui donnait un exemple. L'Armée des Ombres n'est pas un film exemplaire. Mathilde a été arrêtée le 27. On ne lui a fait aucun mal. Elle a tout de suite trouvé le moyen de nous le faire savoir. La Gestapo a très vite retrouvé son identité véritable et le domicile de sa famille. Comme par malheur, Mathilde avait conservé sur elle la photo de sa fille. Vous devinez le reste. La faute. Mais c'est la seule faute que Mathilde ait commise. Les Allemands ont senti tout de suite le point de rupture possible de cette femme extraordinaire. La photo. Mais comment a-t-elle pu la garder? Je lui avais dit. Nous avons reçu un SOS de Mathilde. Les Allemands lui donnent à choisir. Ou bien elle livre tous les gens importants qu'elle connaît chez nous, ou bien sa fille sera envoyée en Pologne. Dans un bordel pour soldats revenus du front russe. Telles sont les données du problème. Vous avez raison. Mathilde est une femme merveilleuse. Plus encore que vous ne le pensez. Mais nous allons la tuer. C'est pas possible. Mais si, vous allez voir, mon ami. Nous allons tuer Mathilde parce qu'elle nous en prie. Elle vous l'a fait savoir ? Non, mais c'est signé tout de même. Réfléchissez un tout petit peu. Si Mathilde avait simplement voulu sauver sa fille, elle n'avait qu'à livrer une liste de noms et d'adresses. Vous connaissez sa mémoire. Au lieu de faire cela, Mathilde raconte que nos gens changent constamment d'adresse, qu'elle doit retrouver des liaisons. N'importe quoi. Bref, elle se fait mettre en liberté. C'est assez clair. Maintenant, supposez que vous êtes à la place de Mathilde. Que vous êtes obligé de livrer vos amis. Et que vous n'avez pas le droit au suicide. Je voudrais qu'on me descende. Vous pensez que vous êtes plus courageux et meilleur que Mathilde? Vous m'excusez. Bien, vous prendrez une voiture allemande. Le masque conduira. Et je serai avec vous derrière. dans cette fin de film, justement, où on décide d'exécuter le personnage de Mathilde, de Simone Signoret, en sachant qu'elle a été l'un des hauts cadres dirigeants de ce réseau de résistants, qu'elle a eu une résistance absolument extraordinaire, exemplaire à tous égards. Et puis, bon, sa fille se fait prendre par les Allemands, et d'une manière ou d'une autre, elle parle. On voit bien alors là qu'il y a, je l'ai tiré, une espèce quand même de débat tragique, du point de vue de la conscience morale, de dire, pour sauvegarder le réseau, on doit l'abattre, et en même temps, comment peut-on abattre une femme comme ça ? On voit très bien que ça ne se fait pas facilement. Ah ben non, mais justement, mais c'est là où je dis que il n'y a rien d'exemplaire dans ce film, c'est qu'effectivement, ça pose un cas de conscience, que c'est tragique, et que ces gens sont déchirés, mais implacables. Et ça prouve bien, si vous voulez, l'armée des ombres n'insiste pas beaucoup là-dessus, mais enfin on le sent, ça prouve bien la puissance de la force occupante. C'est-à-dire ce jeu qui n'est pas un jeu de conspiration comme on pourrait le voir dans des films américains que d'ailleurs j'aime beaucoup, qui ont été tournés pendant l'occupation, des films anti-nazis ou montrant quelquefois même la résistance en France d'après l'idée qu'on pouvait s'en faire de loin à Hollywood, où on a comme ça, c'est un peu les sociétés secrètes, et puis il y a des gens qui se camouflent et puis ils infiltrent un réseau, et puis bon, en réalité ça se passait d'une façon beaucoup plus dure, d'une façon beaucoup plus organisée. Et là où on en est au cinquantenaire du débarquement, on sait que il s'est passé des choses assez terrifiantes. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté tes romances, qui t'a inventé tes dimanches, qui t'a fait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique. Jean-Pierre Jeancola, par rapport à cette espèce de vide que vous signalez dans les rapports du cinéma de la résistance, à part certains films que nous avons évoqués, il y a quand même aussi une autre réalité qui pose problème, et qui pose problème justement par rapport à ce vide, c'est que à partir finalement en gros de la fin des années 50, on voit apparaître tout un ensemble de films dans lesquels on se sert de la résistance, mais on se sert de la résistance, je dirais, pratiquement sur un mode de la dérision. Complètement. Et ça a commencé très tôt, ça a commencé, bon, j'évoquais en commençant, en parlant tout à l'heure de la 5e République, avec Babette s'en va en guerre, qui a figé une image de la résistance que la télévision reprend épisodiquement dans des séries. C'est d'un côté Brigitte s'en va en guerre, et de l'autre côté c'est Papa Schultz. C'est-à-dire à la fois une espèce de résistance facile, rieuse, franchouillarde complètement, qui s'empare des formes à la mode. On s'est emparé de Brigitte Bardot à un moment, ou la résistance s'emparait de Brigitte Bardot, ou Brigitte Bardot, ou ceux qui utilisaient Brigitte Bardot l'ont mise au service de la résistance, comme 15 ou 20 ans plus tard, on a mis le Café Théâtre au service de la résistance, avec Papy fait de la résistance, qui relève complètement du même type de comique, qui est un comique très, très propre au cinéma français. C'est pas du tout un comique de satire, c'est un comique totalement autosatisfait. Vous disiez franchouillard, je souscris complètement l'adjectif. C'est un comique où le spectateur français est conforté dans l'idée qu'il est beaucoup plus malin que n'importe qui, y compris dans les pires moments de la France occupée, qu'il est beaucoup plus malin que l'officier allemand, que les SS, que les tortionnaires, que tout ce qu'on peut imaginer comme image, bon, complètement codée, rétrécie, simplifiée de ce que pouvait être l'occupation. L'occupation y est aussi fausse que les gestes de résistance qu'on y voit fait à l'écran. C'est des films qui sont intéressants si on analyse d'un point de vue historique le cinéma français, non pas par leur référence, c'est-à-dire pas par la résistance, mais par le moment où ils ont été faits. C'est-à-dire que le Babette s'en va en guerre est un film passionnant sur les deux premières années du gaullisme, où Papy fait de la résistance, et un film sur cette période d'extrême dépolitisation des années 80, où tout est égal à tout, tout vaut tout, tout se fond dans tout, et on ricane. Erste Reihe links um, ohne Tritt marsch. Zweite Reihe rechts um, marsch. Dans une minute, vous allez vous tourner. Le dos aux mitrailleuses et face au mur. Vous allez courir aussi vite que vous pourrez. Nous n'allons pas tirer tout de suite. Nous allons vous laisser une chance. Qui arrivera jusqu'au mur sera exécuté plus tard avec les condamnés prochains. On peut toujours l'essayer. On n'a rien à perdre. Il sait très bien ce que veulent mes jambes. Il se prépare au spectacle. Mais je me sens mieux enchaîné par son assurance que par mes fers. Allez ! Je ne veux pas courir. Je ne courrai pas. Dans l'armée des ombres, il y a aussi peut-être un autre élément intéressant qui est que... on ne condamne pas les Allemands simplement parce qu'ils sont en France, même si à l'évidence on n'aime pas qu'ils soient en France. Mais il y a une autre dimension qui est, je pense, à cet épisode où Lino Ventura est pris. Il est amené avec d'autres par une section de la Gestapo. On le met devant des mitrailleuses, on leur dit « courez, s'il y en a un de vous qui arrive à courir assez vite et à échapper aux balles, il aura la vie sauve ». Et on voit très bien le débat intérieur qui est chez lui, qui est de dire « je n'aurai pas ma vie au prix de ma perte de dignité ». Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'extraordinairement fort, parce qu'en même temps, c'est vraiment la dénonciation du nazisme en tant que ravélissant l'homme au rang d'un animal. C'est vrai que c'est la perversion fondamentale du nazisme qui passe là-dedans, comme elle a pu passer ailleurs dans des films, évidemment, sur les camps de concentration qui allaient beaucoup plus loin, puisque là, c'était l'extermination en masse. Mais c'est vrai que ça c'est très bien montré, et c'est une des raisons, d'ailleurs, de la lutte. Vous avez raison. On lutte contre les Allemands, parce que les Allemands sont installés en France et l'occupent, mais en fait, on lutte contre quoi ? Au-delà des Allemands ou à travers les Allemands, on lutte contre quelque chose d'épouvantable qui est le nazisme, qui est la négation de tout. C'est vrai que toute la dignité humaine est piétinée. C'est pour ça que, pour en revenir au Silence de la mer, puisqu'on a affaire au même metteur en scène, le personnage de Werner von Ebronach, finalement, c'est dans le Silence de la mer, c'est l'Allemand qui ne s'est pas rendu compte dans quoi était son pays et qui, à la fin, le sait. Le sait, on le montre pas, mais qui peut pas d'une certaine manière non plus le supporter. Cette façon qu'avaient les auxiliaires français de la Gestapo à l'époque, adoptaient les mêmes méthodes. Alors il y a l'histoire des tortures pour faire parler les gens, mais c'est vrai que cette histoire de dire courez et puis vous pouvez vous échapper, c'est rendre les gens à l'état d'animal, c'est nier leur dignité, c'est les contraindre à faire des choses dégueulasses. Il n'y a plus de loi de la guerre quand on est en face de gens comme ça. Il y avait effectivement dans la résistance de l'armée des ombres, donc la résistance gaulliste, une haute idée de la dignité humaine, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... On sait que l'homme est faillible, on sait que la nature humaine est fragile, mais on ne doit pas non plus se déshonorer. La résistance au cinéma avec Michel Cazenave, Pierre-Jean Collat, Dominique Rabourdin, Jacques Siclivier. Mixage Simone Ronger, Serge Moncade. Réalisation Christine Berlamont. La route est longue pour Gibraltar. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juin 1994.